Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Justine Renaud s'en verra en l'art devant nous dans sa chronique Justine Pertine. Et David Ferron essaiera de se donner un petit air sérieux pour nous présenter sa carte Vitré. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 24 janvier 2017, à 93 jours de la fin de l'année scolaire. On t'en dirait des studios de 6 fois à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdain. Salut Tania. Bon matin. Allô, bon matin. Bonjour. Bon matin. Oui, ça va? Deuxième jour de carnaval aujourd'hui. Oui, ça, ça sent pas trop la bière. Un peu, mais pas trop. C'est pas super. On a déjà vu pire. Oui, les planchers sont pas si collants que ça. Non, exact. Ben ouais. Hier, c'était juste une joke, une bière. Oui, et le show d'humour. Exactement. Donc, il y a eu le temps de faire le ménage dans la nuit parce que ça devait boire pas mal fort hier. Probablement. Et Catherine Levac. Aujourd'hui, le grand spectacle de Karim Ouellet. Mm-hmm. Le show de musique présenté par Céfou, entre autres. On en parlera tout à l'heure. OK, oui. Parlons de tout à l'heure. L'émission dure 2 heures quand même en direct, donc on a plein de choses prévues pour vous. Plus tard, on va avoir David Ferron à 8h30 avec sa chronique La carte Beachy. Il présente de la musique d'un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une thématique sur l'Eurovision. Mm-hmm. Il nous agace avec ça toute l'année, avec son maudit Eurovision. Là, il me dit « J'espère que t'as hâte pour l'Eurovision. » Je fais comme « Ah ouais, cool. » Ça se passe à 8h30. Aussi, ta chronique s'en vient. Tania Esgolena Entertainia, quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, on va parler de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter. Ça pourrait peut-être être une mauvaise chose pour notre Arrête bonheur. Arrête donc. C'est maudit tes rabat-joie, franchement. Ouais, mais t'as raison. Mais on va en parler tantôt. C'est ça. Mais on va débuter avec Justine Renaud qui est avec nous. Salut Justine. Bonjour. Banjo. C'est comme banjo. Banjo. Ouais. Ok, oui, tu fais des bruits de tambourin. Là. T'as pas le bon moyen. Ouais. J'ai pas le bon moyen d'être moyen. Ben écoute, si tu veux percussionner, ton banjo va du fort, mais ça se peut qu'il y ait des mouvements de droit contre la violence, contre-faite. Des banjos qui manifestent dans le stationnement du Nérébeau-Chemin. Wow! Hey, est-ce qu'il y a un band qui s'appelle le banjo? Probablement. The banjo. Ouais. The banjo. Tu sais, toutes les affaires avec band dedans, comme genre The Elastic Band, genre, ou tu sais... Des trucs de même, des jeux de mots, là, tu sais. Je vérifie ça à l'instant. Ouais. Si mon ordinateur qu'il y a avec, est pas. The Band Joe. The Band-Aid. The Band-Aid. Je ne vois pas The Band Joe, mais il y a Joe the Band. Joe the Band. C'est pas la même chose. Bref, hey, crime, c'est le fun, on vient de se partir un band. Comme ça, bing-bang. Bing-bang. Bing-bang. Donc, Justine, tu t'en viens dans quelques instants. En fait, t'es déjà là, mais ta chronique s'en vient tout à l'heure. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut désigner dans l'amour comme étant le vertige des balbutiements, des premiers papillons dans l'estomac. Ou aussi, quand on est genre sur une poutre beaucoup trop élevée, on a 5 ans, on essaie d'escalader l'espèce de module. Puis là, il y a du sable, on regarde en bas, puis là, on a le vertige! Tu sais, quand t'écrivais un texte pour l'université, il devait te dire tu manques de ponctuation de paragraphe. Ponctuation, c'est quoi ça? Ben oui, c'est mon café là, qui rentre au poste ce matin. Au poste? Ah oui, au 89-1, ce poste-là. C'est pas un philosophe, ce Proust? Proust. Oh, ça c'est aussi un joueur d'hockey. Proust? Ah, arrête, Marie-Pierre Morin. Ben c'est vrai, c'est un joueur d'hockey. C'est tellement la Marie-Pierre Morin, c'est fou. Pourquoi? Mais en plus belle. Oui. Oh, merci. Tellement. Je sais pas, je la connais pas. Je m'en allais dire plus intelligente, mais sérieusement, je peux pas dire Marie-Pierre Morin, je ne te connais pas. Mais ça m'empêche pas de m'adopter. Elle doit pas écouter non plus, fait que... Ah, tu sais, on sait jamais. Parce qu'elle se réveille pas le matin. Tu sais, quand t'es rendu, tu travailles à Z-Télé. Hein? Ah. Tu peux bien écouter, c'est fou. En effet. T'es rendue écossaise, Justine, avec ta tasse? J'ai toujours été écossaise. T'as toujours été écossaise. Mais en fait, non, je suis irlandaise, donc je suis en train de... d'offusquer toute ma populace irlandaise back in Europe. T'es irlandaise, les Renault? Ah oui, on est de descendance irlandaise. Wow. Ouais. Cool. Il s'est passé quoi à ta tasse? Il y a comme plus de poignée. J'ai brisé le lance en échappant ma tasse, qui est finalement en porcelaine. Pas ce matin? Non, mais avant-hier, quelque chose genre. Ah, mon Dieu. Toi, t'as perdu le lance en lançant ta tasse à terre. Et voilà. C'est ça. En lançant la tasse à terre, non. C'est ça qu'il faut retenir. Ah, ça t'attends, c'est rouillé. On a notre première chanson, gang. Banjo. Banjo, c'est parti. Donc, c'est dans quelques instants, mais avant ça, M. Gramouel Paquet, Gab Paquet, mm-hmm. va nous jouer une petite chanson qui s'appelle Diamant.

par en arrière un peu mon sujet. T'aimes ça prendre ça par en arrière? Toujours, toujours. Mmh. Mais avec beaucoup de vaseline. On va parler de vertige. On va partir. Vertige. On boit du café. Vraiment beaucoup. Tania fait comme ne suis pas. Elle ne s'implique pas. Non. Et Tania s'est dissociée de tout propos qui va être mentionné durant cette chronique. Tu fais bien parce que. Mais en fait, cette chronique-là va être archi sérieuse. Je l'ai comme pas truffée de jokes parce que c'est un sujet très sérieux, le vertige. T'écris des jokes d'habitude. Non, je les écris pas, mais des fois, je pense à des. En fait, je pense à toi. Ouais, je me touche pas, mais je pense à toi. Ah. Et des fois, j'écris des choses, puis j'anticipe un peu ce que tu vas dire. Je suis si prévisible que ça après autant de temps qu'on se connaît. T'es pas si prévisible, c'est juste que je prévois. Mais nos cerveaux marchent d'une façon similaire. Un petit peu. Ouais. Je pense que oui, honnêtement. Ouais. Ça aussi, c'est un beau compliment que tu me fais. Caroline. Ah. Mais aujourd'hui, on va parler un peu du cerveau, mais dans le cadre du vertige. Et le vertige, on pense vraiment là, que, tu sais, on va l'utiliser dans le langage courant comme pour désigner un éventail assez large de perceptions allant de la sensation d'avoir la tête légère en altitude, par exemple, jusqu'au chavirement de nature amoureuse. Ah, j'ai le vertige. Oui. Je suis en amour. Mais beaucoup vont attribuer le terme vertige pour désigner d'autres causes d'étourdissement comme le déséquilibre, la désorientation, l'incoordination, la maladresse, la lipothymie, c'est cute ça comme terme, et la syncope. La syncope, là, ça, c'est quand on... Quand c'est pas une cinq vies dans Mario, là. C'est un syncope. On a une baisse transitoire du flux sanguin au cerveau menant à la perte de conscience. C'est presque ça. Mmh. Et, tandis que la lipothymie, c'est un malaise sans perte de conscience. Fait que c'est là la distinction. Fait qu'on a souvent été là, atteint de lipothymie. Là, on est sur le bord de tomber dans les pommes, mais on n'y tombe pas. On tombe dans des oranges à la place, plus le fun. Lipothymie, c'est quand t'as mangé beaucoup trop de petites bites chez Tim Hortons. Des petites bites, fait qu'il faut que tu perdes du poids. Parce qu'il faut que tu te fasses faire de la lipothymie. La lipothymie. Oh my God. C'est exactement ça. Ouais. On l'offre maintenant au service à l'auto. En fait, la première fenêtre, on reçoit nos Timbits. Puis la deuxième fenêtre, c'est la lipothymie. C'est dégueulasse. Petite bite. Voilà, cependant, même si le vertige, on l'attribue à un paquet d'affaires, au niveau médical, le vertige est plus précisément un trouble du contrôle de sa position dans l'espace, tout simplement. Ça n'a pas rapport avec l'oreille? Il n'y a pas d'affaire d'oreille. Hey, spoiler. Hey, c'est dans feu. Pas de temps spoiler, ça veut juste dire que t'es intelligent. T'es intelligent. Non, je suis au courant de fait, peu important. Comme Martien Morin. Parce qu'il est tout le temps étourdi. C'est ça, tu commences à connaître un petit peu ton oreille interne. Mais le sujet atteint de vertige peut avoir l'illusion de se déplacer par rapport aux objets environnants. Ça, c'est ce qu'on appelle le vertige subjectif. Je me déplace. Ceux qui pensent sortir de leur corps et de vivre une expérience... C'est pas vraiment ça. Out of body, c'est juste pour l'oreille. C'est ça. Ouais, l'autre soir, mon âme est sortie de moi. Il y a eu le vertige bien raide. Il retombe en dedans. Appelez à l'émission du Doc Mayo pour raconter ça. Oh, vous allez vous faire blast. Hein? Oh, on peut aussi avoir l'illusion que les objets environnants sont en mouvement par rapport à soi-même. Ça, c'est le vertige objectif. Ou encore, il peut avoir la sensation que tout tourne dans notre tête. Ça, c'est le pseudo-vertige. C'est un pas vrai vertige. Fait que, quand tu as des oiseaux qui tournent autour de la tête, là, genre, c'est ça? Un petit peu. Ben, tu sais, quand on est étourdi. Ouais, c'est ça. C'est essentiellement ça. Tu sais, qu'on a pris un verre de trop, on se couche dans le lit, puis tout tourne. Ouais. Mais, le fameux vertige. Le fameux vertige, pseudo-vertige, dont on connaît tous un petit peu la nature. L'ancien vertigo qui est maintenant devenu la grange, ça. Ah, mon Dieu, c'est vrai, il y avait ce bord-là. Hey, je peux sortir assez dans mon enfance. Dans mon enfance. Alors, après ça, le bus magique. Hey, on est tous familiers avec les différents types, les différentes manières plutôt que le vertige se manifeste, mais ça vaut la peine quand même de décliner clairement toutes les saveurs, tu sais. Donc, il y en a une à la vanille, au chocolat. Il existe le vertige qu'on décrit comme une sensation de déplacement du corps dans le plan vertical. Fait que, par exemple, comme dans un ascenseur ou lorsqu'on est en altitude et qu'on regarde en bas, ça, c'est le vertige qu'on dit dans le plan vertical. En deuxième lieu, on a aussi une sensation d'instabilité plutôt horizontale, comme faire l'expérience de tangage sur un bateau. Ça, c'est désagréable. Ouais. Ça, c'est moins le fun. Le mal du mouvement. Le mal du mouvement en voiture. Le mal de mer. Moi, ça m'arrive quand je regarde par la fenêtre du côté en voiture quand ça va trop vite. Il faut pas que tu fasses ça. Non, faut pas faire ça. Arrête de faire ça. Ouais. Regarde en dedans, puis ça finit là. Regarde en avant. Et dans le pseudo-vertige, je l'ai dit, c'est une sensation de rotation, comme dans un manège dont on fait l'expérience. Et dans les trois cas, le vertige va souvent s'accompagner de nausées, parfois même de vomissements bien plates dans une auto. C'est pas la co-animatrice Doc Mayo, ça, de nausées, Arsenault? Non, c'est Josée qui a un E puis un Y. Ah, je sais pas. Très proche. Elle doit être bien payée. Je l'appelle Nausée. Nausée. Yonosé. On va lui dire. Souvent, on va aussi avoir des sueurs, on va aussi avoir de la difficulté à marcher, surtout si on est dans une petite voiture, là, on n'a vraiment pas la possibilité de marcher. Fais juste essayer de te lever. Essaye de te lever dans une éco, toi. Et quant aux causes de ces vertiges, on les classifie typiquement en trois sous-types. Ça va tout le temps en thème de trois, mon affaire. Il y a le type psychologique, le type central ou le type périphérique, dépendamment de si c'est une cause qu'on va dire non physiologique, comme la peur des hauteurs, ça c'est psychologique, ou bien de si c'est le cerveau qui est atteint, ou bien de si c'est le système vestibulaire de l'oreille interne qui est responsable de ses perceptions. Donc, tu avais tout à fait raison avec ton oreille interne ici. On aura tous fait l'expérience de vertige psychologique pour ceux qui, comme moi, ont peur des hauteurs, mais quant aux vertiges centraux périphériques, c'est beaucoup moins fréquent dans la population. Il y en a qui ont peur des largeurs aussi. Ah, hein. De pas prendre trop de poids. Là. Ça, c'est un autre pour un autre jour. Oui, c'est encore ça. La lipotimie. La lipotimie. La lipotimie. Mange trois timbits, lipotime-toi. mais quant aux vertiges... Aux vertiges centraux périphériques sont moins fréquents et dans l'écho central, on peut déjà compter plusieurs conditions qui causent des vertiges secondaires, comme des tumeurs au cerveau, que je ne je ne vous recommande pas. L'épilepsie non plus, la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux et plus couramment, les migraines. Ah ouais, les migraineux. L'immigration. L'immigration, ça cause des vertiges, ça, t'es comme... Tu reviens à ton micro. Donc, les migraines peuvent provoquer ça? Ah oui. Ah oui. Ben, des fois, ben, en fait, je ne souffre pas de migraines, mais j'imagine que ceux qui souffrent de migraines, parfois, vont avoir peut-être la sensation d'avoir des vertiges. Mais comme je vous ai dit, le vertige, c'est pas juste comme la peur là, des hauteurs, puis l'espèce de sensation comme genre si ton corps s'approchait et se reculait du sol, là, bizarre de même. Là. Mais voilà. Quant aux causes périphériques, les maladies qui affectent l'oreille interne vont souvent causer des vertiges. Par exemple, certains d'entre vous ont probablement déjà entendu parler de la maladie de Ménière. Oui, ça me dit quelque chose. Ah non, même pas. Ben oui. Et en fait, c'est drôle, cette maladie-là, on pensait que les gens ils l'appellent la maladie de Ménière, comme genre, meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, ta meunière. Deuxième chanson. C'est ça, deuxième chanson du banjo. Et il n'en est rien. Ménière, c'est un dude qui a donné son nom à cette maladie-là, mais ça n'a pas rapport avec les moulins avant là, qui donnent l'impression de tourner. De toute Ménière. De toute Ménière, t'es malade, toi, va te coucher. C'est une maladie dans laquelle la personne est prise avec des crises très, très, très, très, très aiguës de vertige, accompagnée d'un espèce de scellement dans les oreilles, un bourdonnement, et de l'impression que les oreilles sont pleines. C'est bien désagréable, apparemment, que c'est une des maladies qu'on ne peut pas voir la personne qu'elle est malade, mais c'est très, très, très handicapant. Oui, il y a encore les labyrinthites. On connaît tous quelqu'un dans notre parenté ou soi-même même qui a déjà été atteint par une labyrinthite. C'est le résultat d'une infection des canaux semi-circulaires dans l'oreille interne. Donc, dans le système vestibulaire, on a des canaux semi-circulaires et ils ressemblent drôlement à des labyrinthes. Mmh. Fait qu'on a dit que ça s'appelait des labyrinthites. It pour infection. C'est cute. C'est beaucoup trop cute pour ce que c'est. Ouais, c'est vraiment c'est dégueulasse comme comme infection. On veut pas avoir ça. On veut pas avoir n'importe quelle maladie dans laquelle on vomit. C'est pas le fun. Surtout si on a de la misère à marcher. Ouais. Est-ce qu'on essaie de sortir notre fait, Tania, qu'on a déjà dit deux fois dans C'est un fait, une troisième fois pour voir si on s'en rappelle la différence entre labyrinthe et maze? Est-ce que tu sais? Labyrinthe, oui, je m'en souviens. Labyrinthe, c'est celui qui a des cul-de-sac et qu'il faut que tu te rendes du départ à la sortie. Exactement. Alors que maze, c'est faut se rendre au centre et c'est supposément un truc zen asiatique. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Ah! Fait que, mais tu sais, là, admettons dans un maze là, avec le Minotaur, c'est un maze ou un labyrinthe? Labyrinthe? Maze? Ben, je sais pas. En tout cas, dans Pan, c'est un labyrinthe. Dans Pan? Comme le film? Pan's Labyrinth. Ah oui, OK. C'est un labyrinthe, apparemment. Ben, j'imagine qu'ils ont fait leur recherche. Ben, j'espère. Hey, petite définition sur Wikipédia, là. Hey, mais il y a tout un paquet d'autres causes qui peuvent engendrer les sensations de vertige, centraux comme périphériques. Mais en bout de ligne, là, ce qui relie tous les types de vertige, c'est qu'il y a un équivoque dans le traitement des informations perçues dans l'environnement par le sujet versus ce que le cerveau pense être vrai. Si la personne a l'impression d'être immobile dans un véhicule en déplacement et qu'en regardant à l'extérieur de la fenêtre, il voit le paysage bouger, il existe donc une différence entre les informations en provenance du système vestibulaire qui lui dit qu'il est immobile et du système visuel du cerveau qui lui plutôt dit qu'il est en mouvement. Mmh. Fait que bel équivoque, hein? Cette non-concordance entre les perceptions venant de l'extérieur et de l'intérieur sera intégrée dans le cerveau, habituellement dans la zone nommée area postrema. Ah, oh, c'est beau! Ça sonne cute, oui. Mais c'est dégueulasse, ah. Cette région-là. Moi, je vais vous dire pourquoi. Cette zone-là s'occupe de résoudre les conflits entre l'Israël et la Palestine et entre la vision et le ballon ou la position du corps dans l'espace. Mais l'area postrema s'occupe également de détecter la présence de poison dans le sang et d'induire le vomissement. C'est un mécanisme super, super important dans l'évolution qui permet de nous protéger contre les empoisonnements alimentaires, par exemple. Fait qu'en induisant le vomissement, on peut se débarrasser de bactéries productrices de toxines qu'on aurait ingérées en mangeant, je sais pas moi, un tartare pas frais. Non. Et si on ne vomissait pas, on risquerait une infection très sévère. Mais voilà donc, là où l'area postrema est utile pour nous débarrasser de bactéries toxiques dans l'estomac, il adopte les mêmes mécanismes de défense plates et cause la nausée et des vomissements non utiles dans le contexte d'un équivoque entre la perception du mouvement et du corps versus ce que le cerveau sait être vrai, c'est-à-dire qu'on est immobile. C'est bien désagréable, tout ça, bien désagréable. Fait que maintenant, on sait pourquoi dans le mal des transports ou dans tous les autres types de vertiges, on se sent malade. Mm-hmm. C'est vraiment juste ça. C'est niaiseux de même. Wow. Fait que le cerveau a comme choisi une zone bien, bien plate pour s'acquitter de deux tâches complètement différentes et dans les deux cas, ça nous fait vomir. Tout à fait, ah, tout c'est à fait. Fun. Surtout merci. Si vous avez déjeuné avant, c'est ça. Je vous conseille bien les petits déjeuners de restaurants de fast-food, mais moins bon en sortant. Quelque chose d'un petit peu plus alléchant là, que je vous propose, oui. Là, c'est d'aller écouter une petite chanson sur le vertige, qui s'intitule Vertige, qui a été composée par Carquois. Carquois! Carquois! Carquois! Carquois! On écoute ça tout de suite. Yay! T'as pas de Daniel Bélanger cette semaine? Non, pas de Daniel B. No Dan B. No Dan B. Il m'a encore écrit cette semaine. Et pour dire quoi? Les dates de cette tournée. Oh! Vertige! Tu pensais que c'était rendu ton ami? Ah, ben c'est mon chumé. Ça semble être ok. Histoire, dans des plafonds, mais un ciel qui pleurniche et qui braille. Je sens que le tremplin peut céder sous mes pieds. Toujours j'hésite à sauter, je n'entends qu'une source qui coule quelque part. La furieuse chambure qui me tranche, qui me sépare, mais je ne pourrai continuer sans l'ultime vérité. Crois pas que je t'abandonne, mais c'est pas le grand naufrage. C'est par le courant qui me mène au-delà des rives, au-delà de toute frontière. La rivière de mon rêve laissera son eau couler, laissera les problèmes se taire. Crois pas que je t'abandonne, c'est pas le grand naufrage. Crois pas que je t'abandonne, c'est pour nourrir mes pages. Savoir pourquoi je me retrouve perché, perché sur le haut de ta clôture. Peut-être ou ne pas être sûr que j'ai mal, que j'ai du mal à tenir mes promesses, que je devrais plutôt commencer par me botter les fesses et arrêter ce carnaval à m'angoisser l'esprit, à me renvoyer la balle. Mais crois pas que je t'abandonne, c'est pas le grand naufrage. Crois pas que je t'abandonne, c'est pour nourrir mes pages. Ah, crois pas que je t'abandonne, c'est pas le grand vertige qui te ferait tomber dans le vide. Crois pas que je t'abandonne. vois pas le jour où l'on ne se verra plus. Tenir la nuit debout à se toucher. Vivre la folie avec toi. Se lever au coucher de soleil. Voir des jets bleus à des petits bruits. Et quand tu réapparais, l'on se sourit. Si j'ai l'air un peu comme toi être aussi beau. J'aurais tant voulu être à ta place pour oublier les vertiges d'en haut. Quand on est au milieu de la masse, en relief au-dessus du lot, difficile d'effacer les traces des bêtises qu'on nous colle dans le dos. J'aurais tant voulu être à ta place pour pouvoir comme toi être aussi beau. J'aurais tant voulu être à ta place pour oublier les vertiges d'en haut. Chaque pas que je fais sur la glace en ayant peur de tomber à l'eau, chaque fois revient trouer la face de ces sourires qui me faisaient si beau. J'aurais tant voulu être à ta place pour pouvoir comme toi être aussi beau. J'aurais tant voulu être à ta place pour oublier les vertiges d'en haut. ma place, ébloui par la blancheur de ma peau. Plus personne ne pourrait étancher la soif de ces sentiments mille fois trop grands. J'aurais tant voulu être à ta place pour pouvoir comme toi être aussi beau. J'aurais tant voulu être à ta place pour oublier les vertiges d'en haut. C'était Les Vertiges d'en haut du poète Pierre Lapointe. J'adore cette chanson tellement ça vient me prendre par en dedans, non. Par en arrière, de partout avec Vaseline. Hey, je te on boucle la boucle. Wow. Avant toi, c'était Vertigo de toi, de Yann Perrault. Et la première chanson qui bougeait un petit peu plus, Vertige de Carquois, vous aurez deviné que dans ma chronique Justine Pertine, on pertinait au sujet du vertige. Hein, absolument, quoi? Ben oui. J'espère que vous n'avez pas trop la tête qui tourne après cette chronique, ma foi, qui vous a amené aux quatre coins de votre cerveau, dont l'area postrema de petit bum. Area postrema. Yeah, ça a été fait par un Italien, ce nom, c'est clair. Il y a un petit peu de parmesan dessus. Ouais. Ben latin. C'est parmigiano. Ah, c'est pas gratiné, c'est latiné, non, en tout cas. Latiné. C'est mauvaise joke. Wesh. Mais moi, j'aurais pas fait ça. Merci de m'avoir enduré. Merci, Justine. Toujours plaisir. Hey, moi, je vais rester, par exemple, pour ce que Tania a à dire. Là. Je vais rester, c'est sûr. J'ai de la pression. C'est encourageant, ça. De quoi tu nous parles tantôt, Tania? De réseaux sociaux, Mathieu, si tu te souviens. Oui. Mais non, tu te souviens rarement. Ma tête, elle a juste du vertige dedans. Elle, pas vraiment elle garde pas grand-chose d'autre. Et waouh, hey, c'est poétique, par exemple. Ma tête a juste du vertige dedans. Moi, je t'encourage. Tout prends une feuille lignée, là, puis va la coller sur un mur au centre-ville, là, dans le coin là, de la poésie, là, où il y a plein de vers. Ouais, à côté du maudit. Ouais, genre, là ou n'importe où. Puis, hey, ton nom va être écrit là à tout jamais. Ah, c'est beau. Published poet. Wow. Si je prenais chaque titre d'épisode depuis le début d'Assemblage Requis, j'ai sûrement des poèmes là-dedans. Un patchwork, ça serait patchwork. Superbe. Un petit quilt. Un petit kilt. Kilt, comme les écossais. Encore une fois, on revient au début de la chronique. Il y a des kilts irlandais, des kilts écossais, saviez-vous? Dis-nous donc la différence. La couleur. Le motif, la couleur, c'est ça. Quoi? Ben, je sais pas. Écossais, c'est rouge et noir comme ça? Ben, c'est pas rouge et noir facile de même, là. C'est plus bûcheron. OK. Mais non, c'est ça. Il y a plus comme, je sais pas, des teintes de rouge, de noir, de gris, de jaune, je pense, peut-être, dans celui qui est écossais. Puis dans celui qui est irlandais, il y a plus de vert. Il y a plus de vert de jaune, je sais pas. Les bûcherons portaient une jupe. Oh. Comme les Écossais. Ben, ils en portent une aussi. Oui. Voyons, c'est quand la dernière fois t'es sorti dans le bois? C'est quand la dernière fois franchement, ils gambattent. Franchement. C'était quand ta dernière fois dans un bar lesbienne? C'est juste une référence, pas méchant. C'est ça. C'est ça. Ça arrive. Merci, Justine. Plaisir. Mais comme tu dis, tu restes avec nous. Absolument. Alors, on prend une pause. Et puis après ça, c'est Tania Isgodin-Chuchigny. Après ça, David Ferron va être là pour parler de l'Eurovision. C'est Assemblage Requis au retour. Pour l'écouter. 89. Toujours à Assemblage Requis, en ce mardi 24 janvier 2017, et Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Et maintenant, c'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. Une chose que l'on a dit. Justine Renaud qui est toujours avec nous et qui avait bien fait, je crois, d'enlever au moins un de ses écouteurs pour ne pas trop entendre Le chant de Mathieu. Ben, j'avais en différé là, ta douce voix dans mon oreille à gauche et ta vraie douce voix dans mon oreille à droite. T'as-tu déjà entendu des chants de baleine? À tous les jours dans ça mon sonne un lit. Peu comme quand Mathieu chante. Non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, on je viens salue, pas là. De dire ça. On espère qu'elle aura encore. Donc, des baleines, c'est moi ça? Ben, ça sonne un peu pareil. Hey, bravo. Ça fait juste penser à trouver Nemo. Ah. quand Doris essaie de, d'imiter là, les baleines, là, comme... Ah, ah! En tout cas, bref. Wow, je me sens... Oui, bon, mon enfance. Donc, on parle réseaux sociaux, Tania. Oui, tout à fait. Ben, je vais commencer tout simplement en vous parlant de quelques émotions qu'on ressent ou du moins qu'on recherche et qui peuvent peut-être venir jouer dans tout ça avec les réseaux sociaux un petit peu. En fait, qu'est-ce que vous pensez, je vais vous poser la question à vous deux, que l'être humain en général cherche dans la vie? T'as pas le droit de regarder mon écran, Justine? Je regardais pas ton écran, je regardais dans les yeux. La reconnaissance, tu veux te sentir comme si t'étais apprécié, aimé. OK. Je pense. Non. Ouais, moi, je m'en allais dire quelque chose que dans cette veine-là, là, l'attention. L'attention. Quelque chose genre. Mais comme espérance numéro un, l'être humain cherche à trouver le bonheur, en fait. Oui. Puis ça, c'est vraiment l'état global. On s'entend, c'est pas une joie intense. You're looking for a boner. Oui, exact. Moussa, peut-être aussi. Donc, c'est l'état... C'est l'état de satisfaction, en fait, qui est complète, qui va être stable, qui va être durable. Et en temps normal, c'est ça que recherche l'être humain. On le recherche aussi un petit peu beaucoup souvent sur les réseaux sociaux. Du moins, c'est à la base ce qu'on voulait faire avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire... pouvoir être plus près des gens qu'on connaît. Donc, c'est vraiment un avantage pour ça. C'est que, justement, on va pouvoir être plus près des gens. On va pouvoir leur parler plus facilement. On va pouvoir aimer ce qu'ils font plus facilement. Donc, de ce côté-là, ça rentrait en ligne de compte avec ce qu'est le bonheur. Mais il y a des avantages aux réseaux sociaux avant de sauter dans tout ce qui va être négatif. Je vais au moins vous amener à quelques bons points de ce qu'il y a pour les réseaux sociaux. On a décidé de prendre, bien évidemment, Facebook parce que c'est la plateforme sociale la plus célèbre. C'est la plus utilisée. Si vous regardez de façon mondiale, plus de la moitié des gens ont Facebook. Mm-hmm. Donc, on a décidé d'y aller pour vraiment l'utilisation de Facebook quand on parle d'avantages, quand on parle de désavantages, mais aussi quand on va arriver dans le côté moins le fun de toute la patente. Le côté obscur. C'est ça, dans quelques instants. Mais gardez toujours en tête que les études ont été faites par rapport à Facebook et non pas, par exemple, Twitter, Instagram ou Snapchat. Malgré le fait qu'apparemment, les gens qui utilisent simplement Snapchat et Facebook auraient plus de fun à utiliser Snapchat que Facebook. Ah, OK. Snapchat rendrait plus heureux que Facebook, apparemment. Ça doit être à cause des échanges de photos qui peuvent se faire là-dessus. Ou la nature des photos. Oui, c'est ça, exactement. Tant de bonheur. Hein? Probablement. Ouais. Probablement. Mais c'est un euphémisme pour une érection. Oh, oui, probablement. Mais si on regarde la différence, j'imagine qu'il y a des gens qui utilisent Facebook rendus à un certain âge, par exemple dans la quarantaine, qui n'ont pas nécessairement de compte Snapchat. Ouais. Je vais prendre un exemple. Je sais qu'il m'écoute. Mon père. Mais ben, je sais que mon père a un compte Facebook. En théorie, il a un compte Snapchat, mais il ne se souvient jamais de son mot de passe pour rentrer. Fait, il est heureux pareil. Ouais. Mais un des avantages des médias sociaux, en fait, c'est de pouvoir promouvoir ses œuvres, se faire connaître de ce côté-là. Donc, pour ça, c'est un avantage parce qu'il y a plusieurs artistes, en fait, qui ont acquis une renommée mondiale, justement, grâce à Internet et grâce à certains réseaux sociaux. Donc, pour ça, on se dit, bon, tu sais, Facebook, c'est le fun, c'est bon, c'est correct, j'aimerais peut-être me partir une page artiste ou une page professionnelle. Mm-hmm. Je vais l'essayer. Fait que go, on y va pour ça. C'est un des avantages. Bien évidemment, il y en a d'autres, là, on s'entend, mais il y a aussi beaucoup de désavantages. Et là, j'essaie de faire avancer la page beaucoup plus rapidement. Trop de beaux côtés, on s'en fout les oui, beaux c'est côtés. Ça. Bon, mais c'est connaît. Parce qu'en fait, tous les mauvais côtés semblent enlever les bons côtés à un réseau social. Il y a plus d'inconvénients, honnêtement, qui va être relié à, par exemple, un compte Facebook, qui va y avoir davantage. Est-ce que ça te fait penser à peut-être fermer ta page? Non. Bien, je te dirais qu'il y en a certains, il y en a de plus en plus qui décident tout simplement d'abandonner Facebook. Par contre, ce qui arrive, c'est que lorsque vous décidez d'abandonner Facebook, attention, vous n'abandonnez jamais réellement Facebook. Ouais. Votre page est indestructible. Pour pouvoir arriver à effacer un compte Facebook au grand complet, ça va prendre des vérifications qui vont être assez extrêmes. On va vous envoyer une tonne de courriels. Puis eux, ils te demandent de vérification. Mais toi, t'auras pas de vérification de leur part que c'est fermé. C'est comme quand tu envoies une photo à la mauvaise personne puis tu lui dis « Ah, efface-la, là! » Ouais, ouais, t'es effacé. Ouais, ouais. Ouais, ouais. As-tu vidé ta corbeille? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Pas trop. c'est comme si tout ce que vous avez posté aussi sur votre compte Facebook ne va pas nécessairement disparaître par la suite. Si, par exemple, vous avez posté des photos, vous avez posté des vidéos ou quoi que ce soit, ça va quand même rester dans le monde, le fameux nuage qui est Facebook fois, aussi. Mais des fois, tu voudrais revenir peut-être un jour. Exact. On parle aussi d'un avantage des réseaux sociaux comme étant un lieu de solidarité. Les gens, ils vont se montrer solidaires sur Facebook beaucoup plus que par exemple, si vous êtes avec une gang d'amis, vous allez discuter ou quoi que ce soit. Apparemment que les discussions que vous faites avoir, qui sont très, très diversifiées sur des réseaux sociaux, vont montrer davantage cette solidarité-là envers les gens. Puis lorsqu'on va arriver dans une conversation, par exemple, je sais pas moi, à la chasse-galerie, mais vous allez avoir cette espèce d'impression-là de savoir déjà le point de vue de quelqu'un. Fait que vous allez avoir une espèce de rapprochement d'une certaine personne qui va être beaucoup plus automatique que si vous connaissiez pas la personne déjà. C'est ce qui est quand même le fun. Tout à l'heure, je parlais aussi de se sentir beaucoup plus près des gens qui sont loin. Parfois, ça va être la famille. T'sais, c'est pas toute la famille qui va être à Trois-Rivières, par exemple, ou qui va être dans la même ville que nous. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'on va être capable de suivre ce qui se passe avec notre famille. Donc, cette espèce de sentiment de rapprochement-là, c'est un avantage aux réseaux sociaux. Mais il y a tellement de désavantages, mais il y a surtout tellement d'études qui sont sorties dans les dernières années sur ce qui se passe sur Facebook, ce qui se passe sur Twitter. On en a déjà discuté la semaine passée. On parlait justement du contrôle d'informations qui passe sur Facebook. C'est un des désavantages. Les fausses nouvelles en ce moment. Oui, exactement. Ouais. Les fausses nouvelles, la désinformation, puis tout ça. Mais si on y va beaucoup plus près de nous par rapport encore à cette fameuse quête du bonheur-là qui est humain, il y a des désavantages qui découlent des réseaux sociaux qui font en sorte qu'on tomberait dans une espèce de dépression avec ces fameux réseaux sociaux-là, oui. Puis la dépression, bien, on s'entend, c'est que c'est un état durable d'une profonde tristesse, d'un abattement. T'as tout le temps l'impression d'être d'être mal par rapport à toi, tu compares aux autres et ça. Donc, Facebook, c'est la source numéro un, apparemment, du mal de vivre de certaines personnes. Tout le monde a l'air en couple, tout le monde a l'air de bien aller. Mais oui, parce que quand tu décides de poster quelque chose sur Facebook, bien souvent, tu vas beaucoup plus poster quelque chose qui va être heureux, qui va être quelque chose que les gens vont pouvoir t'envier par rapport à ce que tu as posté, que quelque chose qui va être négatif. Inquiétez-vous pas, il y en a qui postent des affaires très, très négatives sur Facebook. Et jogging, qui... crotte au fromage, c'est un samedi soir. Exactement. Mais on parle surtout de psychothérapie, on parle de troubles bipolaires. Il y a certaines études qui démontrent que le réseau social Facebook vient vraiment jouer en ligne de compte avec tout ce qui est émotif pour nous et tout ce qui est très, très négatif. On parle surtout que les gens, pour vivre heureux, mais ils pourraient vivre sans Facebook et ils vivraient beaucoup mieux. Comme dans le temps, là, comme il y a une dizaine d'années, mettons. C'est ce qu'en fait, on envie la vie sociale qui des gens ont sur Facebook, comme je le disais, parce qu'on décide de poster ce qu'on veut. Et tout ça, ça pourrait être la faute, justement, de Facebook, si on en croit une étude qui est danoise, qui a révélé que des personnes ayant vécu une semaine sans utiliser Facebook, je vous mets déjà au défi, là, est-ce que vous seriez capable de passer une semaine... J'ai passé plusieurs mois. Oui, c'est vrai. J'étais en Italie. Quand t'es revenu, c'était une grosse affaire que t'es revenu. Même que ton nom sur Instagram est encore genre Justine René. Ouais, je René. Oh, ouais. Justine René sur Instagram. Est-ce que tu te sentais beaucoup plus vivante libre en Italie sans Facebook? Ben, en Italie, je me suis tapé une petite dépression, donc non. Là, je l'avais fait après. Dépression. Elle s'est tapée une petite dépression. Dépression. Mais j'ai quitté Facebook avant là, l'Italie, puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, la chose qui m'a le plus déplu, c'est cette distance-là qu'on crée avec des amis et de la famille qui sont justement pas des gens qu'on va côtoyer à tous les jours. T'es seul des au gens monde pas mal. T'es seul au monde. Je suis seul. Oui, c'est pas la même tune. Mais j'étais plus heureuse, effectivement, et beaucoup plus productive, en fait. Ah, au oui. doctorat, c'est quasiment essentiel de passer quelques périodes là, sans être sur Facebook. Ben oui, parce qu'en fait, un des grands désavantages de Facebook, c'est justement le manque de travail. Tu sais, on va tout le temps aller sur Facebook. C'est facile. Procrastination 101, là, Facebook, c'est vraiment ça, en fait. Donc, le manque de productivité viendrait justement du monde des réseaux sociaux qui a éclos il y a quelques années, qui fait en sorte que tout le monde devient un petit peu plus plus. Bon, ben, je vais aller voir Facebook au lieu de faire ce que j'ai à faire. Puis, par la suite, ben, je reviendrai à ce que je fais, mais je vais passer quand même une heure à regarder mon feed Facebook, tu sais. Une minute se transforme rapidement en une heure. C'est vrai, c'est très très vrai parce que ça change tout le temps sur le feed Facebook. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui ont fait l'étude, les Danois qui ont fait l'étude, ont choisi d'utiliser Facebook parce que c'est le réseau social le plus utilisé, mais à tous les âges. Twitter va être différent. Twitter, ça rejoint des gens beaucoup plus jeunes. Et c'est différent, je trouve, Twitter de Facebook. C'est un petit peu plus difficile aussi parce que t'as juste 140 caractères. Ouais, mais t'as pas de cercle d'amis non plus. Il n'y a pas beaucoup d'options en tant que telle sorte. C'est un petit peu plus difficile. Donc, on a réalisé l'étude sur un échantillon de 1095 personnes au Danemark. Et ces personnes-là ont été divisées en deux groupes. Donc, la moitié continuait à utiliser Facebook et l'autre n'utilisait plus Facebook. Et ça, c'est au sein d'un groupe qui s'est dit, bien évidemment, traitement. On faisait des traitements avec les sur guillemets, ces gens-là. Avec les doigts. Traitement. Oui, exactement. Et après une semaine, les personnes qui n'avaient pas utilisé Facebook se disaient beaucoup plus satisfaits de leur vie. Ils disaient qu'eux avaient été même beaucoup plus productifs au travail, on avait été beaucoup plus productifs dans nos travaux, on avait pris le temps d'être avec les gens qui étaient autour de nous, ce qu'on ne fait plus vraiment. Ils avaient pris le temps de manger puis d'aimer ce qu'ils mangeaient au lieu de les prendre en photo. Donc, il y a 88% d'entre elles qui se sont dit beaucoup plus heureuses contre 81% de l'autre groupe. Ça, c'est ceux qui utilisaient toujours Facebook. Mais est-ce que le monde était si productif que ça avant qu'il y ait Facebook? Je me rappelle pas que les gens étaient si productifs. Ils allaient juste voir d'autres affaires, non? Mais tu voulais aller voir quoi? MSN.ca. Je sais pas. T'allais sur Google puis tu tapais une question. YouPorn? YouPorn au travail. Et c'est moi qui l'ai soufflé au micro. YouPorn! YouPorn! Il y a 84% des gens qui ont déclaré en fait apprécier la vie contre 75% de ceux qui utilisaient toujours Facebook. Donc de ce côté-là, on a quand même un écart de chiffres qui est considérable. Et il y a seulement 12% qui se sont enlevés la vie. Ils sont tous morts. Non, mais qui s'en disaient mécontents. On est dark dans notre humour aujourd'hui. Ouais, vraiment. Hein? Mais qui se disaient mécontents de plus utiliser Facebook. Okay, oui. Et contre 20% qui, eux, étaient toujours connectés à leur réseau social et tout ça. Donc les gens étaient, je me sens pas super bien de ne pas utiliser Facebook. Je me sens loin des gens que je connais. Ouais. J'ai l'impression de plus trop connaître qu'est-ce qui se passe. Parce que justement, on le disait l'autre jour, avec toutes les informations qui sortent sur Facebook, tu vas plus nécessairement aller lire le journal. C'est dommage. Tu vas plus nécessairement aller écouter les nouvelles. Tu vas vraiment te fier à ce qui passe sur ton news Facebook. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, finalement. Ben non, parce qu'on s'entend, c'est un algorithme de tout ce que tu likes. Donc, tu regardes ce que tu veux regarder. Oui, en c'est fait. Ça. Ça va être des trucs avec lesquels tu es déjà d'accord. Exactement. Ouais. Que tu vas être d'accord ou que tu ne seras pas d'accord, mais juste pour parce que t'as liké le fait que t'aimais la controverse. C'est ça, exactement. Oui, oui. On s'entend, donc. Genre anti-Trump. Exactement. Moi, c'est ça. Après nouvelle, c'est tout le temps ça sur mon feed. Juste du anti-Trump. J'aime ça, là, mais. C'est vrai. On parlait aussi que les gens qui avaient fait le traitement qui était de passer une semaine sans Facebook estimaient avoir une vie sociale beaucoup plus riche et moins de difficultés à se concentrer pendant que les autres qui utilisaient toujours Facebook, eux, disaient que leur vie sociale, bon, je fais pas grand-chose le soir, je vais sur Facebook, je suis pas trop productif, difficulté à se concentrer. Donc, au lieu de se concentrer sur ce qu'on a besoin de faire, on a une tendance qui est quand même assez malheureuse à vouloir se concentrer sur ce que les autres font. Exactement. Ou ce que les autres ont. Et c'est pourquoi on va sur Facebook parce qu'on ne s'intéresse pas nécessairement à ce que nous on fait, on s'intéresse à ce que les autres autour de nous font. Et c'est pourquoi les gens deviennent si non productifs à un certain point. C'est qu'à la place de dire « bon, ben, je vais me concentrer sur ce que je fais », tu vas te concentrer sur ce que les autres font et tu veux savoir ce qu'ils font. Donc c'est un petit peu du voyeurisme à longueur de journée. C'est ça le mot, hein? Oh oui. Ouais. C'est comme du YouPorn, mais différent. C'est une autre sorte de voyeurisme. Et il y a 39% de risque de se sentir moins heureux que nos amis lorsqu'on va aller regarder justement une page Facebook qu'on va voir qui sont heureux. Je sais pas moi, tu vas voir que ton amie d'enfance est enceinte, elle va se marier, elle achète une maison. C'est parce que souvent, ça, c'est dans le même blog post. Oui, oui, oui. Donc, de ce côté-là, c'est beaucoup plus facile d'arriver à être mécontent de ce que tu tu es par rapport à ta page Facebook et surtout aux pages de tes amis, parce que tu vois la différence à ce moment-là que tu as avec ces personnes-là. Ils montrent du bonheur, mais c'est pas nécessairement du bonheur. On avait, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une pub dans la chronique Le Bloc Pub où on voyait, c'était une photo de famille devant un arbre de Noël, je sais pas trop quoi. Mm-hmm. Tu les voyais sourire, puis après ça, la caméra se reculait puis montrait comment ça allait pas bien dans leur vie. Ça peut être ça, là. T'es juste cadré sur l'événement heureux, mais ça veut pas dire que le reste est heureux chez eux. Exactement. Ça donne une fausse perception. Et ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'avec le réseau social Facebook, parce que je vais encore prendre Facebook en exemple, c'est que les gens ont de plus en plus des dépressions qui sont reliées justement à ce qu'ils voient sur Facebook. Donc, les personnes qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux sont aussi celles qui ont plus de chances d'être dépressives. C'est le résultat d'une étude qui a été réalisée par des gens de Pittsburgh. Donc, tout à l'heure, c'était danois. Là, c'est maintenant rendu aux États-Unis, Pittsburgh. D'habitude, Pittsburgh, c'est les Danoises. Ah, c'est ça! C'est la même gang! C'est le petit bonhomme blanc qui a fait l'étude. Et le magazine Forbes, vous connaissez le magazine d'affaires Forbes, a noté en fait que les scientifiques ont relevé que sur 1787 personnes entre 19 et 32 ans, donc on a joué dans ces âges-là, on a interrogé ces personnes-là et ceux qui ont été consultés le plus souvent les réseaux sociaux avaient 2,7% de fois plus de chances d'être atteints de dépression que ceux qui s'y baladent moins souvent. Mm-hmm. On parle de balader, là, tu sais, quand tu scrolls vraiment très, très rapidement, quand tu descends la page Facebook d'accueil. Sans lire chaque statut. Exactement. Tu as beaucoup moins de chances de trouver qu'à un certain point, tu es dépressif. Donc, les autres sont beaucoup plus sujettes à être moins bien avec leur propre personne. Et l'étude s'intéressait à Facebook, évidemment, mais aussi à YouTube, à Twitter, à Google, Google+. On parle aussi d'Instagram parce qu'on se rend compte que Instagram vient jouer un grand rôle dans la dépression aussi, au même terme que Facebook, parce que ce sont juste des photos. Oui. Ah oui, c'est des vignettes dans la vie de quelqu'un. Ah oui, donc c'est encore plus facile de soit juger la vie de quelqu'un ou de se comparer de façon automatique à quelqu'un sur Instagram présentement. Et il y a aussi cette nouveauté-là, c'est que tu peux tellement acheter de publicité sur Instagram que ton Instagram, sans être ami avec quelqu'un, va arriver sur la page Instagram de quelqu'un d'autre et il va pouvoir voir ce que toi tu fais dans ta vie. Ça va être comme une espèce de publicité Instagram, mais avec ton propre, avec tes propres posts. Donc, de ce côté-là, c'est que tu vas acheter des vues sur ton Instagram pour t'assurer que les gens qui sont autour de toi voient à quel point tu es heureux. Donc, Instagram est en train de pas mal se mettre dans la même lignée que Facebook pour les dépressions. On parle aussi de Snapchat, Tumblr, Pinterest, Vine. L'étude est vraiment à aller chercher tous ces réseaux sociaux-là. On parle aussi de LinkedIn, parce que LinkedIn, oui, c'est le travail. Donc, c'est ton curriculum vitae qui est là. C'est tes études qui sont là. C'est sûr que du côté avantage, c'est un réseautage exceptionnel pour si jamais tu cherches un emploi, si jamais eux cherchent un nouvel employé ou quoi que ce soit. Sauf que si tu regardes carrière pour carrière, il y a des gens qui vont commencer à se comparer sur LinkedIn, ben oui, ce qui va être assez demandant dans le temps, là, on s'entend, de comparer ton curriculum vitae avec le curriculum vitae de quelqu'un d'autre à longueur de journée. Tu peux en avoir pour un méchant bout. Une chose, c'est qu'il n'y a pas les salaires là-dessus. En effet. Donc, on a vraiment été chercher pour la deuxième étude tous ces réseaux sociaux-là. Et en moyenne, les gens qui ont été sondés passent un peu plus d'une heure par jour sur des sites comme ceux-là et les visitent environ 30 fois par semaine. Ça, c'est une moyenne. Moi, je sais personnellement que je passe définitivement plus d'une heure sur Facebook. Je sais pas pour vous. La plupart du temps, ça va être pour les articles qu'on va y retrouver, bien évidemment. C'est ça l'affaire, évidemment, parce que t'es pas sur Facebook quand t'es en train de lire un article qui a été ouvert par ta fenêtre Facebook. Facebook va toujours être en background à un certain point sur soit plusieurs téléphones, soit plusieurs ordinateurs, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison. T'as toujours Facebook comme... Tu sais, dans le temps, on disait qu'il y avait tout le temps la télévision d'ouverte comme, comme son de background. Oui, de fond, ouais. Mais c'est un petit peu la même chose maintenant, mais avec Facebook. Donc, de ce côté-là, tu vas toujours y retourner pour savoir ce que les gens font, pas pour ce que tu fais, parce qu'automatiquement, tu vas pas aller poster, tu vas aller regarder. Ouais. Donc, de ce côté-là, on y va encore pour la comparaison. Vas-y, Matt. Quand tu vas dans la section batterie de ton iPhone, dans réglage batterie, tu peux cliquer sur Facebook. Il y a un petit icône horloge à côté, parce que d'habitude, ça dirait, bon, Facebook, activité en arrière-plan, 15% de batterie. Mais si tu cliques sur l'horloge, tu peux voir, bon, 20 minutes à l'écran aujourd'hui. Et dans les 7 derniers jours, 4,9 heures à l'écran et 8 minutes à l'arrière-plan. Ça veut dire que j'ai passé dans les 7 derniers jours 4,9 heures sur Facebook. C'est pas si pire en 7 jours. Non, c'est pas si pire. C'est moins d'une heure par jour. Fait que vous pouvez faire le même test pour avoir votre durée sur Facebook si ça vous tente. Oh. C'est pas pire du tout, ça. Bon truc. Réglage batterie, puis cliquez sur la petite horloge. L'étude a aussi pris en considération, bien évidemment, l'âge des personnes qui étaient interrogées, le genre, les relations amoureuses. Donc, il a été est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes déjà en couple, les conditions sociales. Et pour autant, on note que, par un étudiant en psychologie, qu'il faut rappeler que l'étude n'indique pas une causalité. Tu sais, c'est pas bing-bang, c'est comme ça. Les gens qui sont tous sur Facebook sont dépressifs, c'est pas fort. OK? C'est selon comment vous êtes déjà à la base. Comment est-ce que vous allez interagir avec Facebook? C'est ça qui va faire en sorte que vous allez peut-être avoir une ouverture qui va être plus grande vers la dépression que quelqu'un qui va tout simplement pas vraiment avoir de cœur à Facebook. Tu sais, je dis cœur avec des guillemets parce que... Ça donne l'impression d'avoir un cœur de pierre. Non, mais il y a des gens qui vont aller sur Facebook justement juste pour le rapport qu'ils ont avec leur famille, les informations qu'ils vont y trouver, mais ça on les forcera pas. On n'est pas attachés à ça. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas un sentiment d'attachement à Facebook comme les plus jeunes pourraient avoir parce qu'ils ont grandi avec Facebook. Moi, je me souviens que j'ai vu l'évolution de Facebook. Oui, depuis le début. Donc, à un certain point, on est déjà plus détaché que la génération qui est arrivée et que Facebook était déjà là. Tu nais et t'as déjà ton compte Facebook qui a été créé par papa et maman. C'est donc, eux devraient avoir un regard sur eux-mêmes et un regard sur les autres qui vont être encore plus critiques, mais surtout qui va être encore plus comparatif. On va tout le temps vouloir se comparer. C'est ce qui s'en vient. Là. Faites attention. Faut ramener les petites annonces. Là. Tu sais, dans les journaux, t'avais genre ta photo avec ta coupe Longueuil, puis là, tu disais genre « Moi, je cherche un gars qui aime le rock. » Oui. Nanana. Tu sais, les genres de petites correspondances. Ah, oui. Faut ramener ça. Ben, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a plus de classe entre les deux, sérieusement? Sérieusement. Sérieusement. La société. Ben, les gens. Il y a une partie de l'étude qu'on a posé la question à ceux qui avaient déjà pas Facebook. Moi, j'ai des amis qui ont jamais eu Facebook. Qui refusent d'entrer là-dedans. Qui refusent d'avoir Facebook. Je me souviens, je travaillais avec une fille à Montréal et je dis, hey, tu me dis, tu sais, c'est quoi ton Facebook? Ça faisait une semaine qu'on travaillait ensemble. Elle dit, non, mais j'ai pas Facebook. Pardon. Là, je sais le quoi? Elle me dit non, j'ai pas Facebook, je déteste Facebook. Elle a jamais essayé. Elle a Snapchat, elle a Instagram, mais elle a pas Facebook, elle refuse d'avoir Facebook. Et honnêtement, elle est très bien avec ça et se sent jamais. Elle a jamais de pression pour avoir Facebook. C'est le moyen de communication le plus utilisé en ce moment, je pense, ça doit être Facebook là, pour s'écrire. Probablement, mais elle texte ou elle utilise l'application WhatsApp. OK. Donc, de ce côté-là, elle a quand même une vie sociale qui est très, très, très, très développée. Elle communique tout le temps avec ses amis. C'est juste qu'au lieu de le faire sur Facebook en voyant la vie des autres, elle demande automatiquement aux gens qu'est-ce qui se passe avec eux. Mm-hmm. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de le voir sur Facebook et de se comparer, elle, avec ses amis-là. Donc, elle se connaît bien, d'après moi. Oui, probablement. Ou peut-être aussi qu'elle ne veut pas se comparer, tout simplement. Ouais. Mais on a posé la question justement aux gens qui avaient Facebook et ceux qui n'avaient pas, ceux qui se sentaient les plus en colère. Et les gens qui ont Facebook sont beaucoup plus en colère que ceux qui n'ont pas Facebook. On se sent aussi beaucoup plus inquiet pour ceux qui ont Facebook que ceux qui ne l'ont pas. On est beaucoup plus déprimé et on se sent beaucoup plus seul. C'est drôle parce que c'est un réseau social qui met justement les gens autour de nous en lien. Mais on se sent quand même beaucoup plus seul. Ironique. C'est très, très ironique. Ceux qui sont plus heureux sont ceux qui n'ont pas Facebook et ceux qui profitent le plus de la vie sont ceux qui n'ont pas Facebook aussi. Donc, c'est quand même très drôle. C'est sûr qu'il faut faire les pour et les contre de Facebook, mais si je vous posais la question, seriez-vous prêt demain matin à vous dire que vous allez détruire votre compte Facebook? Moi, je peux répondre à ça. Ça dépend du montant qu'on m'offrait. T'sais, toi, en plus, t'as pris le temps de pas être sur Facebook pendant le voyage. T'as vu la différence. Ouais, sauf que j'avais un téléphone. Je pouvais comme texter. Maintenant, mon téléphone ne sert que pour l'Internet. Je n'ai plus de forfait. Je ne téléphone plus et je ne texte plus. Donc, moi, mon seul moyen de communication, c'est vraiment Facebook ou genre papier, crayon, pigeon voyageur. Ouais, c'est ça. Fait que je suis un peu prise avec Facebook pour le moment, mais tu sais, ça coûte déjà moins cher en forfait de téléphonie. Fait que les gens peuvent pas m'appeler. J'ai une ligne terrestre. Tout passe par là, que ce soit les chroniqueurs, ma vie personnelle. T'as pas le choix. J'ai quasiment pas le choix, ouais. On n'a plus le choix, quasiment. Mais c'est sûr qu'on a tout le temps le choix, mais si, oui. Si tu détruis Facebook, la première question que tu vas avoir, c'est « Hey, t'as plus Facebook? » Ouais, ben si je détruis Facebook, est-ce que je peux garder Messenger? Hein? Ah, je sais pas si c'est possible. Je sais pas. Je pense que non. Non, je pense que non. Ça te prend automatiquement un compte Facebook pour avoir Messenger. C'est surtout ça que j'ai besoin. Mais bon. Je suis d'accord avec toi. Bref. C'est déprimant, ton histoire? Oui, c'est déprimant, mais surtout, faites juste moins aller souvent sur Facebook. C'est ça, calmez-vous. Ou d'être conscient. Oui, juste d'être conscient. Une prise de conscience versus notre comportement vis-à-vis des réseaux sociaux. Je pense que les gens, ils font ça aveuglément, puis c'est ça qui est dangereux. Mm-hmm. Ils se voient pas aller, là. On se voit pas aller. Moi, ça inclut la personne qui parle. Mm-hmm. On se voit pas aller. Non, on ne va pas aller. C'est vrai, c'est vrai. Prendre une gorgée de café. Ouais. C'est ça. Merci, on va prendre notre café à la place. Tania, pour ta chronique, Tania. Fait plaisir. Étant donné que sur Facebook, on like, on love, oui. Moi, je dis, je m'en call-in. Voici oui. I Don't Mind de We Are Wolves. C'est plus, ça me dérange pas. Ça me laisse indifférent. C'est mieux, il faut se calmer. Ça me laisse deux différents. Indifférent, deux différents, trois différents. Et I don't mind. Ça me dérange pas ben, assemblage requis. Retour de la pause, David Ferron et sa chronique La carte bleachée. Reste là. qui pour ta aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis, on est mardi 24 janvier 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. David Ferron qui vient de prendre la place de Justine Renaud. Salut David. Salut. Salut, ça va? Ben oui, merci vous deux. Absolument, c'est bien. Dans quelques minutes, tu vas nous faire ta chronique, la carte bleachée, qu'est-ce qui s'en vient? L'Eurovision. Yeah. Est-ce que ça va être au moins bon? Est-ce que tu me disais que ça va être un bon bloc musical? Ben, j'ai essayé le plus possible. J'espère. C'est dans quelques instants. Il va avoir de tout. De tout pour tous les goûts. Oui. À Assemblage Requis, justement, tiens, les gens ont le goût d'apprendre sur ce qui se passe dans leur université. Je vous gage, les enfants. Oh. Hein? Donc, voici l'Info Campus. Oh, yeah. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Le 1er février, de 11h à 16h, se tiendra l'événement Stage emploi à la Trium CEU et au Hall Gilles Boulet de l'UQTR. Organisé par le service aux étudiants, Stage emploi accueillera de nombreuses entreprises sur place. L'activité est destinée aux étudiants en administration, en ingénierie et en informatique. Le service aux étudiants de l'UQTR organise un atelier sur la gestion du stress. L'activité aura lieu le 2 février entre 12h30 et 15h au local 2054 Pavillon Ringuet. Les inscriptions se font à partir du site du service de psychologie de l'UQTR, section atelier de groupe, inscription. C'est gratuit et les places sont limitées. Vous avez toujours rêvé d'animer une émission à la radio? La station CIFOU 89.1 FM est à la recherche d'animateurs bénévoles. Peu importe votre expérience ou vos sujets d'intérêt, n'hésitez pas à soumettre votre projet à progcifou@commercialuqtr.ca. Aussi, une formation est offerte aux recrues. Toutes nos félicitations à l'équipe de hockey des Patriotes qui a remporté le prix Équipe par excellence lors du plus récent gala Sport Hommage Mauricie. Mentionnons également la nomination de l'attaquant Guillaume Masselin dans la catégorie Athlète masculin par excellence de niveau canadien, sport collectif. Félicitations également à Olivier Larouche, étudiant en administration. Olivier s'est classé dans le meilleur tiers lors du Red Bull Crash Test à Marseille les 13 et 14 janvier derniers. En terminant, toute l'équipe du groupe des médias étudiants de l'UQTR souhaite aux participants un joyeux carnaval étudiant. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est comme toujours lu par Tania Baudin. Bon matin. Bon matin. Et écrit par David Ferron qui est avec nous en studio. Salut David. Bon matin. C'est le fun, l'Info Campus qui recommence comme ça. Ben oui. On aime ça. Ben oui, depuis septembre. Fin. Oui, ben, je veux dire, depuis le retour des fêtes. Oui. Oui. C'est le deuxième de l'année. Il y en a toujours un nouveau les lundis. Et on joue ça trois fois par jour le matin. En fait, ça dépend. Le matin à 6h30, justement, Assemblage Requis. Ensuite, dans le milieu de l'émission. Ensuite, sur l'heure du midi. Et en début de soirée. Donc, trois, quatre fois, là, pas mal. Yeah. Bref, ça pour dire que David, la raison pour laquelle t'es avec nous ce matin, c'est pour ta chronique musicale. Voici yeah. La carte bleachée. La carte bleachée. Tania, juste pour te faire remarquer ta précédente chronique sur les réseaux sociaux, David n'a pas lâché son téléphone depuis... Non, je sais, j'ai remarqué. Oui, je sais, David, c'est que David. J'essaie de chercher une statistique. OK. Puis ça m'énerve, je la trouve pas. Pourtant, d'habitude, tu sais, un gars qui est aussi énervé que toi devrait partir dans tous les sens et oublier que t'es en train de chercher ça. Mais ouais, non. C'est ça. Ben non, c'est... Non, il est vraiment concentré sur ça. Oui, ouais, essayer de trouver des stats. Est-ce que tu parles de hockey, là? Non, même pas, mais je vais vous parler du Super Bowl de la musique. Ah, que c'est beau! Ben, t'as raison, parce qu'en effet, l'Eurovision, c'est pas mal le plus grand concours de musique dans le monde, n'est-ce pas? Ben oui, il y a quand même juste 200 millions de personnes qui regardent ça. Juste ça, à travers l'Europe au complet, il y a des gens qui l'écoutent même du Québec. Ben oui, pas tant que ça. Sur Internet, aux États-Unis, pas beaucoup. Ouais. Mais en Australie, c'est, il paraît que... Ben, en fait, en Australie, tellement que depuis 3 ans, l'Australie participe à l'Eurovision. Alors qu'ils font même pas partie de l'Europe. Ben oui. C'est incroyable. Est-ce que c'est des statistiques sur les gens qui regardent l'Eurovision que tu cherches? En fait, je vais l'expliquer tantôt ce que d'accord. je cherche. Mais en fait... Commençons par le commencement. Ben oui, l'Eurovision, ça revient cette année. Oui, ça fait combien de temps que ça existe, l'Eurovision? Là, ça va faire la 61e année. OK. Là, ça a commencé... La première année, en 1957, ça a commencé avec 6 pays. Okay. Et là, on est rendu à 43 pays. Wow! Oui. Donc ça, je l'avais... Je pense, je sais plus qu'est-ce que j'avais déjà expliqué précédemment ou ouais, pas. Moi, c'est ça. T'as déjà fait des chroniques sur l'Eurovision oui. à travers le temps. Là, on parle de l'édition de 2017. Oui, exactement. Donc, ben, en fait... Ça va avoir lieu seulement en mi-mai, dont deux demi-finales durant la semaine d'avant et la finale par la suite. Mmh. Donc, 43 finalistes cette année confirmés, mais ça se peut que dans les 43, il y en a qui sortent une chanson controversée, donc ça se peut que ce pays qui sort une chanson controversée soit exclu. Ça se peut aussi que pour des raisons de dette, parce qu'en fait, l'Eurovision, c'est parrainé par un système de radiodiffusion européen. Mmh. C'est un concours de chant à la American Idol, Star Academy, peu importe. Ouais. Et chaque pays doit envoyer son représentant en faisant son propre concours local. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Parce que dans les 43 pays, il y a en fait deux manières principales de choisir son participant ou sa participante. Soit que le diffuseur ou la délégation choisissent lui-même, comme en France. Comme en France, ça se fait tout le temps. Ils ont, depuis les dernières années, ils ont essayé une fois et ça a été un flop. Puis le groupe candidat a terminé en dernière position. Oh, wow! Ou en avant-dernière, mais bon, ça a été un flop. OK. Donc, l'année passée, ils sont retournés à la sélection interne et le chanteur a réussi à atteindre la sixième position, ce qui ne s'est pas fait depuis au moins 2002. Parce que dans le fond, le comité interne qui choisit le candidat sait un petit peu plus ce qui devrait être envoyé à l'Eurovision pour gagner, alors que le public, c'est eux qui choisissent. Eux font juste choisir leur préféré, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de gagner un concours. Pas nécessairement, ça dépend toujours comme là. En Suède, c'est ça que cherchait la statistique, mais je reviens, c'est qu'en Suède, on a le Melodi Festivalen, qui a eu lieu depuis à peu près une trentaine d'années, et c'est un gros concours. Mm-hmm. Où ce qu'à chaque année, c'est une espèce de, mettons, Star Academy, mais juste pour trouver le candidat de l'Eurovision. Wow. Et là, il va y avoir quatre demi-finales, et dans chacune des demi-finales, il y a sept participants. Donc, 28 participants en tout, donc ça inclut les groupes chanteurs-chanteuses. Et il y a même une séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas été choisis dans les demi-finales. Donc, les wild cards qu'on appelle en anglais. Oui, exactement, pour faire partie de la finale. Mmh. Donc là, il y a 6 shows, donc 4 demi-finales, un show de rattrapage qu'on appelle Andra Chansen. La dernière chance. Oui, exactement. Et c'est tellement prestigieux que deux des gagnants de l'Eurovision, pas juste du Melody Festivalen, mais de l'Eurovision, celle de 1999, Charlotte Pirelli, et également 2012, Loreen. Loreen! Oui, exactement. Wow. Ça a été le plus gros hit de l'Eurovision dans toute l'histoire. Puis Pirelli, ben c'était un pneu. Avant, elle s'appelait, je pense... Ben, en tout cas, elle s'appelait pas nécessairement Pirelli, mais oui. Donc, la Suède a gagné quand même 5 fois le concours, je pense. 5-6 fois. Mm-hmm. Donc, elles reviennent... Oh! Pour essayer de regagner encore l'Eurovision. OK, t'as le droit de faire ça, tu peux participer le nombre de fois que tu veux. Oh, oui, okay. C'est récurrent en Suède. En fait, c'est récurrent dans les concours de télécrochet de ce genre que... Télécrochet étant le terme français pour une télé-réalité. Oui, j'ai vraiment du vocabulaire. Ouais. J'essaie d'en avoir. J'essaie de pas te cracher dessus en ce moment. Pourquoi? Maudit français. Télécrochet, sérieux. Non, mais sérieusement. T'es méprisant. Le terme, oui, je sais, je m'assume là-dedans, mais télécrochet, on va se le dire... Expression de marde. Ben non, mais le but, c'est d'accrocher le spectateur pour qu'il puisse dépendre de l'argent. OK, donc une dramatique ou une comédie, leur but, c'est pas d'accrocher les téléspectateurs, c'est ça? C'est uniquement les télé-réalités. Oui, exactement. Ça, tout à fait. Ben tout à fait d'accord. C'est ça, la théorie de la vie. N'importe quoi. Je le sais. Mais donc ça, il y a le festival. Melody Festival. Ouais, t'as une meilleure mémoire que moi. Puis moi, en plus, j'ai le papier, c'est le pire. Melody Festival. Donc ça, c'est le plus gros concours qu'il y aurait. Puis en fait, la Suède, il y a 10 millions de personnes et c'est regardé par 3 millions de personnes. Wow! Mais ça, faut inclure aussi les pays scandinaves, l'Islande et la Norvège, c'est diffusé là aussi. Okay. Et là, la statistique que je cherchais, c'est qu'ils ont... Idol, ça c'est un peu The Voice, mais ben, version Suédoise. C'est à l'origine, c'est le même format que Star Academy qui vient de la Grande-Bretagne, Pop Idol. Donc c'est Idol. Non, c'est compliqué parce que The Voice c'est hollandais, Star Academy c'est français. Oui, sauf que le format. Star Academy, c'est français. Parce que Star Academy est un autre format, je crois. Oui, exactement. C'est à la recherche de nouvelles stars en France qui était Star Academy américain. Non, qui était American Idol. Pop Idol. Oui, exactement, c'est dans le même range. Ouais. Mais dans Nouvelle Star, c'était plus pour les petits stars en France. C'était vraiment cool, il y avait des bons participants. Mais là, pour revenir à cette année, pour l'instant, parce que là, le concours a lieu seulement au mois de mai, mais les 43 pays sont en train de se creuser le ménage pour savoir qui va pouvoir gagner ou qui va pouvoir nous faire perdre on va pouvoir sélectionner qui sera assez bon, mais pas trop pour être le numéro 1. Mais assez pour pas qu'on perde la face. Parce que dans le fond, tu veux pas être le numéro 1 parce que sinon tu vas être le pays qui va organiser le prochain. Oui, et ça peut coûter jusqu'à 60 millions. Ouch! Parce qu'il faut penser que faut que tu accueilles les artistes, mais aussi les délégations. Tu as un village olympique qui se construit autour de l'endroit. Ben, j'exagère, c'est pas aussi intense que le village olympique, mais il faut que tu penses qu'il faut que tu accueilles les délégations. Et là, cette année, le concours a lieu en Ukraine, okay, parce que la gagnante Jamala est ukrainienne. Et le problème, c'est qu'on a failli de ne pas avoir d'Eurovision cette année. Ah non! Parce qu'il y a eu beaucoup de retard à choisir la ville. Le comité organisateur voyait aucune ville qualifiée pour pouvoir accueillir toutes les délégations. Mais là, on a fini par choisir le pays après avoir reporté trois fois la date de dévoilement. Donc là, ça va être à Kiev, la capitale, et ça va être un stade qui est déjà construit. Okay. Parce que dans les critères, ça prend un stade qui a un toit. Les stades à ciel ouvert, on oublie ça. Okay. On oublie ça. Les parce stades que j'imagine que le son des chanteurs, quelque chose comme ça, il y a sûrement une raison derrière ça. Ben peut-être aussi. Acoustique, peut-être. Ouais, parce que quand on écoute l'Eurovision, c'est qu'on a l'impression que c'est des versions studio, mais ça devrait pas parce que c'est interdit. OK. Donc, le son est très bien. Oui, c'est très quétaine. Mon niveau multimédia, c'est beaucoup impressionnant quand même visuellement. Là, ouais. Oh, et c'est très, très impressionnant. C'est pas pour rien que ça coûte 60 millions. Oui. Mais là, je pense pas qu'ils mettent 60 millions cette année. L'Ukraine n'a pas tant que ça d'argent. Tu disais qu'il y avait une possibilité qu'il n'y ait pas de revision cette année. Est-ce que ça aurait pu être la deuxième ville qui aurait été même pas, parce qu'en fait, il n'y a aucune des villes candidates qui faisait l'affaire pour l'instant. Mais là, c'est correct. Ça a l'air d'être se replacer. Ils ont l'air à combler le retard. Sinon, ça aurait été en Russie qui est en troisième position. Okay. Ah. Parce qu'en deuxième, c'est l'Australie. Et l'Australie n'est pas un pays européen. Non, ben c'est juste, ça aurait été compliqué d'organiser ça en Australie. Je veux dire, c'est comme, je sais pas trop combien de kilomètres. Ouais. Mais sinon, ça aurait été en Russie qui est arrivé en troisième. Et en Russie, on sait que c'est pas très gay-friendly, que Eurovision, c'est très gay-friendly. Oui, pas mal, oui. Donc, ça a été, je pense qu'il y a eu des soulagements, je pense. Ouais. Quoi que l'Ukraine, pas tant que ça, en tout cas. Bref. Mais ça, c'est ce qui arrive. Et là, pour l'instant, il y a des demi-finales ou des sélections locales qui ont lieu encore. Okay. À date, il y a juste trois pays qui ont leur chanson fixe. Et à date, c'est pas fameux. Les sélections locales non plus. Soit que les candidats pensent qu'ils sont en 1999, soit qu'ils ont conclu une entente secrète avec Astral Media, ou soit que leur c'est belle média de ah oui, merci de la question. Suis un peu. Mais tu sais, je suis historien, fait que. Non, c'est ça. Une station iHeartRadio. Oui. Ils m'énervent avec leur iHeartRadio. De cela, ou soit que leurs producteurs se prennent pour Diplo. Ah là, je comprends pas le référent par contre. Moi non plus. Diplo, c'est un producteur, toutes les hits, l'espèce de son qui sonne un peu années 90, mais techno R&B lounge, qu'on entend tout le temps, là, c'est de sa faute. OK. Ouais. Tu sais, le nouveau son de Justin Bieber, ouais. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Voyons. Outrage? Oui, je suis outrouille. Outrouille. Mais par contre, parmi toute la crap de l'Eurovision, parce qu'il n'y a pas toujours des bonnes... En fait, il n'y a pas beaucoup de bonnes tunes d'Eurovision. Ouais, pourquoi est-ce que tu aimes l'Eurovision, dis-moi? Ben, c'est le côté compétition, c'est le côté aussi géopolitique, c'est le côté de quel pays va y aller puis qui sont les candidats. Est-ce que ça pourrait provoquer une troisième guerre mondiale? Non, pas tant que ça, mais il y a déjà eu des conflits. Par exemple, l'année où l'Azerbaïdjan était le pays hôte, l'Arménie qui est en conflit avec l'Azerbaïdjan parce que les deux sont des pays collés, puis là, ils se disputent une frontière présentement, un peu comme la Crimée avec la Russie et l'Ukraine. Mm-hmm. Donc, l'Arménie a boycotté l'Azerbaïdjan et il y a même un pays, à un moment donné, que je me rappelle plus, c'est que l'Israël avait gagné. Et le Liban, je ne me rappelle plus quel pays exactement, mais si je ne me trompe pas, je pense que c'est le Liban qui diffuse quand même parce qu'ils ont quand même les droits de diffusion, même si ce n'est pas un pays européen et qu'ils ne peuvent pas envoyer de participants, ils ont quand même. Je pense que l'année, c'était Israël qui avait gagné, mais ils ont annoncé que c'était la Belgique qui était deuxième, qui était la gagnante. Non? Ah oui. À la Steve Harvey dans un concours de beauté? Oui, exactement. Wow. Mais c'était volontaire. Ah! C'était volontaire parce qu'il y avait un petit conflit Israël-Liban. Ah. Je pense que c'est le Liban. C'est un vote du public à l'Eurovision. Non. Non? En fait, jusqu'en les années 2000, c'était un vote par un jury professionnel. OK. Parce que comment ça fonctionne, les votes, c'est un peu compliqué. De 10 points. Dans le fond, 12, 10, 8, 7, 6, 5 en descendant. Mais pas de 11. Ouais, et ni de... Ouais, exactement, et ni de 9. Ah. Donc là, le jury attribue des points et le jury doit voter pour ses 10 pays favoris. Ça, ça a été de même pendant longtemps. Là, ça a été un peu reformulé au cours des 10 dernières années. Là, c'est moitié-moitié. Donc, moitié public et moitié jury. Okay. Donc là, le jury de chaque pays doit choisir leurs 10 pays favoris. Mm-hmm. Et des fois, ça peut faire des écarts parce que, par exemple, la Pologne, qui est arrivée dernière position dans le vote du jury, est arrivée troisième dans le vote du public. Wow, petite différence, hein? Oui, puis même qu'en Pologne, c'est pas la première fois que ça arrive. En 2014, la Pologne était en 14e au total, mais était numéro un des votes du public et à peu près le dernier dans le jury. Ben, hey, boy! Oui, puis en France, par exemple, ben, c'est plus moyen. Mettons, le vote du jury était 3e et public, c'est 8e ou 9e. Donc, c'est le fun, ça équilibre, mais souvent, le jury, je trouve qu'il y a des meilleurs goûts que le public. Ah, ça se peut, ça. C'est méchant. Fort possible. Oui. Ouais. Et là, en écoutant les top 40 dans les autres radios, on comprend que le public, oui, pas pis, nécessairement... Puis il y a des scandales avec le jury parce que des fois, le jury est accusé de favoritisme. Par exemple, je vote pour tel pays, tu votes en échange, tu votes pour tel pays. Ah, on fait ça, okay. Des petits trades dans le jury. Il y a ça aussi parce que c'est... Parce que l'Eurovision, les votes se font par bloc. Ben, c'est pas supposé de se faire par bloc. Tu votes par le pays coup de cœur, mais souvent, il y a des votes géopolitiques qui se font. Parce que dans le fond, un pays en tant que tel n'a pas le droit de voter pour son propre concurrent. Exactement. Ben, pour son propre... OK. Oui, exactement. Au moins. Donc, mais peuvent en bloc décider qu'ils votent tous pour la Pologne, mettons. Oui, exactement. OK, je comprends. Par exemple, ce qui est arrivé, c'est que souvent, la Russie va être très haut parce que les pays... En fait, du bloc, si je peux, ben, l'ancien bloc soviétique vote tout pour la Russie. Wow. Ce qui fait en sorte que la Russie, c'est très rare que la Russie ne se retrouve pas dans le top 10. Fait que c'est plus un télécroche qu'un télécrochet. Oui, un petit peu. Un petit peu. Puis là, t'as 5 pays qui... En fait, t'as 6 pays qui vont être dans la finale par défaut parce que c'est les 6 plus grands contributeurs financiers. C'est comme un Hunger Games, mais en chanson. Ouais, exactement. Mais oui, pour vrai, c'est que dans le fond, t'as la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'autre pays, je m'en rappelle plus, l'Allemagne, et le pays organisateur, eux, sont automatiquement dans le final, peu importe la... qui envoie, sont en finale pareil. C'est juste qu'ils sont dans le bas fond du rang final, mais... Comme ça risque d'être encore le cas pour la Grande-Bretagne cette année, je suis pas mal sûr. Ah oui. Parce que le concours qui est comme 6 participants, c'est tous des gens qui ont été dans X-Factor, mais qui n'ont pas passé les finales. OK, parce que si, ouais, sinon, il aurait juste gagné X-Factor à la place. Là. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux gagner X-Factor et t'en aller à l'Eurovision? Oui, c'est de plus en plus ça. OK. C'est ça le piste. Ça sort quasiment de préliminaire pour l'Eurovision. Oui, exactement. Dans plusieurs pays que leur concurrence est un voice, mais quelques années après, ben ils vont participer à l'Eurovision, comme c'est arrivé pour la gagnante de l'Eurovision 2012, qui est suédoise, qui a participé au concours Melody Festivalen, je les dis comme du monde. Hey! Elle était quatrième pour Idol ou The Voice, je me rappelle plus quoi, mais c'est de plus en plus ça. Comment ça fait que le Québec s'est pas fait demander de participer juste pour le fun? Genre? Parce que, c'est un réseau de radiodiffusion. Donc, oui, le Canada fait partie de ce système-là, mais pas nécessairement comme organisateur. Parce que dans le temps qu'il y avait la marque NRJ française, on a non, pu, ça n'a pas rapport, non. Parce que c'est pas NRJ, faudrait que je retrouve, on va faire jouer les tunes, puis après ça, faudrait que je retrouve le nom du réseau, mais c'est un réseau de radiodiffusion. D'accord. Donc, par exemple, la Roumanie, l'année passée, ne pouvait pas participer à l'Eurovision parce qu'elle devait des dettes envers ça, et aussi, ben, c'est le même poste qui diffuse le mondial de soccer, les matchs de soccer. Donc, la Roumanie ne pouvait même pas faire jouer du soccer. Ben, voyons donc. Ben oui. C'est poche. Donc, on a un bloc de 4 pièces ensemble. C'est pas grave, la Roumanie, c'est juste des tunes poche. Bon. Petit commentaire. Oui. Donc, ça, à date, c'est pas des chansons officiellement sélectionnées pour l'Eurovision cette année. C'est toutes des tunes de cette année, mais c'est toutes. Et en fait, ces chansons-là font toutes partie des sélections nationales. Donc, des sélections nationales de différents pays. Oui, exactement. Donc, il y en a une, c'est l'Estonie. C'est des coups de cœur. Parce que c'est pas nécessairement les gagnants. On sait pas encore ce qui est les gagnants ou les gagnantes. C'est ça sur quoi tu mettrais ton argent. Oui, exactement. Okay. Même si je suis sûr que malheureusement, elles ne feront pas partie de l'Eurovision. Ouais. T'as trop de goût. Oui, ben non, c'est pas vrai. Ben, tu sais, les goûts et les couleurs sont pas à discuter, hein. Ben, tu sais, on va se le dire, le brun. Ben, c'est la couleur de l'amour. Ouais, apparemment. Oh, selon Bernard. Ben oui. Albus. Toujours écouter Bernard, ce qu'il dit. Toujours. Oui. Bon, enchaîne. Donc, on va écouter de l'Estonie, We Ride With Our Flow de Angelia. De la Finlande, là, c'est vraiment de l'ethno-pop. Okay. Ça, de l'ethno-pop, c'est de la pop avec de la musique du monde. Genre, c'est simple quand même à comprendre. Ben oui, exactement. L'ethno-pop, donc on va écouter Circle of Light de Emma. Et ça, c'est, je pense, un des favoris des fans de l'Eurovision. OK. Donc ça a des chances de se rendre. Peut-être. Okay. À moins que le jury public décide de voter pour le duo qui a l'air d'un douchebag ou pour le groupe qui se prend pour Maroon 5. Wow. Ah, je suis dur. Hey. En Lettonie, c'est One by One de Up. Ça, c'est une petite tune folk. Ça fait quasiment penser à du Louis-Jean Cormier. OK, quand même. Et en Azerbaïdjan, il n'y a pas vraiment de finale nationale. La chanteuse est déjà choisie. On ne sait pas encore ce qu'est la toune, mais ce qui est particulier avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, habituellement, il envoie tout le temps des tounes Kleenex. C'est quoi ça? Ben, des tounes pour te faire brailler. Ah. Des tounes Kleenex. Oui. C'est un peu bizarre, hein, parce que ça fait un parce petit peu que, masturbation. Ouais. Hein, ouais, mais c'est ça, soit des tounes hyper, hyper balades, ou soit des chansons où ce que le chanteur s'époumonne sa vie en disant « I love you » ou « My heart is broken ». Mais là, cette année, c'est pas le cas. C'est une auteure-compositrice-interprète qui s'appelle Diage, de son vrai nom. En fait, Dina Agieva. Et elle, ça ressemble vraiment... c'est comme de l'électro-beat un peu. Je suis sûr que si Karina Tardy nous écoute, elle aimerait peut-être ça. Animatrice de Les Audacieuses à l'époque. Oui, exactement. Et coordonnatrice de la section mercienne de Écoute donc ça. Ah, ta bosse! Ben oui, oui, exactement. Oui. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait d'article pour Écoute donc ça. Ouais, travaille donc. Ben oui, c'est parce que je suis trop occupé avec de Zone Campus. Des excuses. Ben oui, mais c'est parce que je veux que tu sois fier. Ben oui, je suis fier de toi, petit David. Mais surtout de Zone Campus, ben et Tania oui. aussi, pour que quand tu vas vendre de Zone Campus, tu fasses comme, regardez comment il est beau. Ben oui. La vente du Zone Campus dans ta chronique, et c'est vraiment particulier. Non, ça, c'est l'expertise de Tania. Moi, j'ai donné là-dessus dans une certaine époque. Oui. Donc, on va écouter ces quatre tunes-là. En fait, Diage, la tune, ça s'appelle Eskini Azagi Sal. Oui. C'est, je sais pas, c'est en trop quelle langue. L'Azerbaïdjan, c'est quelle langue, ça? Faudrait je sais pas. Faudrait que vérifier. C'est quoi la langue, mais c'est en langue ça locale. Va t'en faire de la recherche pendant le bloc musical. Hein? Oui, oh. Genre, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais tant mieux. On débute avec Angelia, donc voici We Ride With Our Flow dans la carte bleachée de David Ferron sur Assemblage Requis. Et le chronomètre pour la recherche commence maintenant. On the walk home, breathing in the sunset. By the seaside till the end. We ride with our flow. Has the light. Pretend we will be alright. Rakas. Now hush, I don't wanna cry, I wanna pretend. Rakas, we are fine. Safe in the circle of the light, nothing bad will ever cross the line. We are safe in the circle of the light, nothing bad will ever cross the line. Let me draw you a circle of the light. The line, we are safe in the circle of the light. Nothing bad will ever cross the line. Let me draw you a circle of the light. Losers can be choosers. Cheaters will be losers. I will cut you down one by one. Açan balaca kız diyecek oğlana he haçan. Kız açıp gözünü annene via elede. Bibiler ve halalar onu büyüdü berede. Kaş almak olmaz kohun konşu bakır. Oğlan harada tapar halal kızı ahı. Semin itiraf var deniz kırağında bak milyoner atraf var balayında Dubai kışa uçuş Paris'e otelin yaşası giyim keçim halisi Gucci ve Armani Dolce Gabbana 5 otaklı menzil hep kallı tavanı dolanıp sevinçlerle kız olur razı oğlan basar gazı kız azaldır nazı toyuldu yıldı kohumlar tanışlar atıldı şabaşlar sarılar alkışlar kız Kızıştı ağızlar unutuldu bey gelin meclise hoş gelir Ameni boynuna inandım oyununa sarıldım boynuna hiç değil canıma ganiyem kanımla kölenim kanıma ben Saçlarımı tutsun, saçlarım kurutsun Ellerimden tutsun, nedeni unutsun Dertine bir vursun, sen hemen susam ben Aldanıp derdine gelmişim evine Sevine, sevine çevirdim yerini Dışarı kendimi bağladım ömrümü des mouches. Ouais, hein, c'est en sorcelant comme tourne. Quand je pense que la chanteuse, en fait, on vient d'entendre Diage, va participer à l'Eurovision. On vient d'entendre la toune, puis je me demande comment, quel genre de toune elle va nous proposer. Je sais pas. J'ai hâte. Je suis curieux quand même de voir la variété musicale. C'est ça, il y avait plus de beats que d'autres choses. Ouais, exactement. C'est sûr que habituellement, l'Eurovision, c'est des tunes pop. Ouais. Ouais. Très facile, très radio-friendly, là. Ben, des fois, il y en a qui prennent des risques. De l'alternatif un petit peu. Oui, exactement, il y en a. Mais c'est sûr que c'est pas la majorité. Mais là, j'ai hâte. Parce que là, il faut qu'en plus, elle présente une toune qui dure seulement 3 minutes. Ah, oh, oui, c'est serré, 3 minutes. Oui, ben, elle peut durer moins que 3 minutes. Mais pas plus. Pas... Non, exactement. Ouais. T'es puni sinon, j'imagine? Sinon, en fait, t'as une date limite pour modifier ta toune ou changer ta toune. Puis après... Mais si mettons rendu live, là, elle dure plus que 3 minutes, mettons, là. Ah, oh, on arrête. Mais normalement, non, parce que tu dois... Non, parce que tu dois soumettre ta toune en au moins, je pense, 2 mois à l'avance. Faudrait que je regarde... Ah, la musique qui est derrière-plan, oui, c'est ça. Ouais. Oui, la chanson, tu l'envoies à l'avance. Parce qu'ils font juste chanter sur la chanson, il n'y a pas de musicien en direct sur la scène. Exactement. Okay. Contrairement à l'époque où tu avais un gros orchestre sur scène, là, ils ont enlevé ça dans les années 2000 pour mettre des bandes de son. Puis là, c'est le fun parce que tu vois quelqu'un qui joue au violon, puis tu sais que c'est du air violon. Ah, c'est n'importe quoi. Donc, bref, l'Eurovision a lieu au mois de mai. Oui, exactement. On surveille ça. Merci David Ferron pour ta chronique La Carte Bleachée. Bienvenue, puis c'est vrai, fallait que j'y refie quelques trucs. Oui, tes sources, tes sources. Oui, c'est vrai. Donc, qui diffuse, en fait, qui s'occupe d'avoir le droit, en fait, qui a le droit de diffuser l'Eurovision? OK. En fait, ça, c'est l'Union européenne de radio-télévision. Donc, l'UER, qui est une organisation internationale créée en 1950, la plus importante association professionnelle de radiodiffuseurs nationaux dans le monde, avec 73 membres actifs dans 56 pays d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, et 45 membres associés dans 25 pays d'autres régions du monde, dont le Canada, qui est membre associé. Ah, okay. Donc ça veut dire que si ton poste de télévision est membre de cette union-là, bien, tu peux diffuser l'Eurovision. C'est cool. Et la langue parlée en Azerbaïdjan, tu cherches, c'est surtout l'Azéri à 90, plus que 90%. Azéri, c'est le nom de la langue. Oui, l'Azéri. Super, merci encore, David. Ben, merci de l'invitation. On te retrouve chaque semaine, la semaine prochaine dans la chronique du Zone Campus. Oui. Et aux 2 semaines pour la carte bleachée. Oui. Quand ça t'adonne, bien sûr. Ben, merci beaucoup. Merci, David. Au revoir. Au revoir. Avant de continuer, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser, les amis. C'est oui. Tronic Box, c'est un musicien canadien qui prend des chansons pop contemporaines, OK? Mm-hmm. Et il refait comme si ça sortait des années 80. Est-ce que vous connaissez ça? Oh my God, non, je connais c'est pas. C'est vraiment drôle. On va écouter un petit extrait juste pour le fun. C'est super pop, mais la première sur le bord de leur page YouTube, c'est celle de Justin. C'est Justin. Ça, t'arrêtes un peu. Justin, parle-nous ça, Justin. Ah, c'est beau. Oh. Hey, mais est-ce que c'est lui qui fait les clips aussi? En fait, c'est pas vraiment des clips, c'est plus genre des images avec des références années 80, comme là, c'est plein de photos qui virevolent. Puis, Mais je sais que... je vais le dire. Attends, une que je connaîtrais peut-être plus, là, c'est Somebody I Used to Know. OK. OK, mais des années 80, mettons. Okay. Avec les effets VHS... sur la vidéo. Ah, oh, mon Dieu. Ça, c'est une flash dance. C'est parfait. Hein? Écoute bien ça, mec, ça change. Hey, on dirait une vidéo documentaire sur la relève athlétique de 1986. Puis là, tu vois l'athlète prometteur courir ralenti oui. au début. Ah, oui. Puis là, après ça, tu as la narratrice avec une voix plutôt soif qui dit « Samuel, notre jeune athlète, s'entraîne à 16 heures par semaine. Ses parents sont très supporters, mais comme toute société moderne, sa mère doit travailler pour enfin payer tous ses cours et les équipements et les compétitions. » Parce qu'elle est monoparentale. Wow, c'est pareil. Ou sinon, ça ressemble à un épisode des Appendices parce qu'ils font ça dans chaque épisode, la cassette VHS. Puis like moi, ils ont commencé à faire ça. Ouais, c'est ça, t'as raison. Oui. Une autre chanson qu'ils font, encore une fois, Firebox? Non, Tronic Box, pardon, sur YouTube. On va écouter, tiens, un extrait de Katy Perry, Firework. Ah, bon, merci pour la pub, là, ça va aller quand même. Ah, oh, OK, bon, ça gâche tout. Laisse faire. On prend une petite pause musicale pour vrai. Une petite pause publicitaire, c'est-à-dire, puis on revient avec Sondage Rocky au retour sur C'est fou. Hein? 89 ans. C'est ça. FM. Juste pour faire jouer la pub. Ah, tu sais. Voilà. ça, oh oh oh, aujourd'hui. On s'en va jouer qui pour ça, oh oh oh, aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 24 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. Il reste seulement une 10-15 de minutes à l'émission environ avant le début à 10h de l'émission Compte à rebours. Mais avant ça, le temps de vous parler un petit peu du carnaval qui continue aujourd'hui. C'est le deuxième jour de ce fameux carnaval étudiant 2017. Hier, on a fait le petit quiz C'est fou la musique en après-midi. On a eu bien du fun à animer. Ben, en fait, toi, t'as animé. Moi, je faisais le PowerPoint. Puis notre directeur général faisait les petits extraits musicaux. Donc, on a eu un bon travail d'équipe. Alain Lefebvre, notre directeur de la programmation, qui a participé à la création des questions et des réponses. En effet. Donc, tout le monde a travaillé, a mis sa main à la pâte. Aujourd'hui, on est mardi, donc deuxième jour. Regardons un petit peu l'horaire, toujours dans la thématique télévisuelle de ce carnaval. Leur PDF est tellement long qu'il faut que je... drague bien longtemps pour trouver le mardi. On va y aller, attends un peu. OK. 24 janvier, ça commence bien sûr avec le Café Baileys. Ben oui, évidemment. Qui, en ce moment, est jusqu'à, je crois, 10h30. Ensuite, à 10h, jusqu'à 11h, la sculpture. Donc, les trucs sur neige. Ça se passe dans l'ère des Patriotes. Si je me souviens bien, c'est entre le CAPS et le pavillon de la vie étudiante. Mm-hmm. Donc, on a une heure pour venir créer une sculpture de neige qui marquera l'histoire de l'art. L'œuvre d'art doit être pensée selon le thème de son association. Une zone de travail est délimitée par chacune des associations et est interdit de dépasser les limites sans faute, sous forme de points de pénalité. Voilà. Ouh. Ensuite, à 11h, c'est les Jeux olympiques de l'an 3004. L'objectif reste de marquer le plus de buts possible. Les joueurs de chaque équipe s'affrontent dans une grande bulle transparente qui les protège de la tête aux genoux, ce qui permet quelques contacts durant la partie. C'est ça. 5 étudiants par association pour ces Jeux olympiques-là. Ensuite, à 14h, c'est Winter is Coming. Appel à tous les corbeaux de la garde de nuit. Il est temps de s'amuser avant que les autres détruisent le mur. L'avenir des 7 royaumes est dans vos mains. Est-ce que tu vas risquer le froid ou te cacher? Oh, okay. C'est au 10-12. C'est au 10-12. Ensuite, le Géopardi. C'est le quiz télévisé entre 15h et 17h. Le quiz TV. Prouvez que vous êtes le grand connaisseur de l'UQTR des séries Game of Thrones, Walking Dead, Pokémon ou même Scooby-Doo. Les deux érudits de ton assaut viendront tester leurs connaissances dans le tout nouveau quiz TV qui aurait cru que toutes ces heures devant nos écrans seraient récompensées. Ça, c'est à la chasse-galerie. Ensuite, le cours Forest Court. C'est le Capture the Flag cette année. Ton association trouve 5 à 7 personnes ayant les meilleures capacités pour voler et vaincre les autres équipes. Ensuite, ça c'était à l'ère des Patriotes, comme tu aimes le rappeler. Ensuite, le Carnaval's Got Talent est à 18h à la Chasse-Galerie. C'est un concours de talent, bien sûr. Montre-nous que c'est dans ton assaut qu'il y a le plus de talent. Ensuite, le Cherche et trouve tes bébelles. Ça, c'est l'activité La Liste. Donc, c'est le moment de travailler sa mémoire afin de repenser où sont cachées les vieilles bébelles de votre jeunesse. Vous allez avoir environ 48 heures pour trouver le maximum d'objets très précis de la liste qui sera publiée sur Facebook. Les juges se feront un plaisir de refuser les items modifiés ou fabriqués. Ensuite, c'est le moment principal de la journée. C'est le featured artiste musical Karim Ouellet qui va être parmi nous au 10-12. Ok, oui. Donc, soir de spectacle. Viens bouger avec ton association au son de la musique de l'artiste bien de chez nous. Et évidemment, il ne faut pas oublier son chandail du carnaval pour entrer gratuitement, il faut le dire. C'est pas pour tous ce show de Karim Ouellet-là. Donc voilà, c'est la journée d'aujourd'hui, en ce mardi. Quand même une bonne journée. Mm-hmm. Ça a du sens. Café Baileys, on s'en va là. On s'en va là. La fin de l'émission. Pendant qu'on écoute un petit peu de Karim Ouellet, on y va avec une chanson avec Mr. Valère featuring Karim Ouellet. Oui, c'est L'amour est un monstre. À Assemblage Requis, ça c'est fou. 89. Dis-moi qu'est-ce que t'es. Si nos problèmes prennent le bord, si le compte à rebours repart. Quand on est dans l'ombre, puisque la nuit tombe, au son de tes bottes et des émotions fortes. Le vent se lève, les courants se mêlent, le ciel s'emporte. Je le dis depuis toujours, je ne sais pas dire je t'aime. Dis-moi pourquoi mon amour, je retombe toujours en amour. Quand même, on est super quand on s'aime. Baby, baby, l'amour est un monstre. L'amour est un monstre. Featuring Carrie Mulette avec L'amour est un monstre, assemblage requis. C'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. Déjà, on n'a pas eu un grand dernier bloc, mais que voulez-vous? Ça arrive. C'est comme ça, c'est la vie. Merci à David Ferron pour sa chronique La Carte Bichée. Merci à Justine Renaud pour Justine Pertine. Demain, l'émission, en ce mercredi matin, qu'est-ce qu'on aura? On va voir Sébastien Hertin à 7h30 pour sa chronique Le Bulletin Gertin. Ensuite, à 8h30, on parle un petit peu d'improvisation avec Dans les coulisses de la Luître. Si tout va bien, en fait, je pense qu'on aura rien ce mercredi. Ça va aller à l'autre semaine parce que le match est jeudi. Oh, t'as bien raison. Ça me revient comme ça. À 9h, Xavier McLeish va être là. Alphalfa, le lutin, va être là pour nous parler de... Ouais, c'est ça. Ouais. Pas la meilleure fin d'émission à date, ouais, c'est ça. Ouais. Le lutin va être là pour nous parler d'alcool et de jeux de société. Faites comme si vous aviez rien entendu. On a absolument rien entendu. Oubliez pas le show à ce soir. C'est à 21h au 10-12. Le show de Carrie Mulette. On va d'ailleurs se quitter avec une autre pièce dans quelques instants. Mais le temps de vous dire que plus tard aujourd'hui, à C'est fou, on a en ce mardi... Je suis vraiment mêlé aujourd'hui, hein? Pourquoi? Tantôt, je parlais de compte, c'est demain, ça. Ah, j'ai oui? dit que compte à rebours s'en est, c'est absolument pas vrai. C'est vrai, on est mardi. Ouais, ce qui s'en est à 10h, c'est le Mathieu Plante Show. Ensuite, à midi, connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, on va être de retour, Tania et moi, pour les palmarès, c'est fou. Ensuite, réanimation est là à 19h et matière noire à 21h. Cif.ca, assemblagerequis.com. On se quitte avec une autre pièce de Carrie Mulette. J'avais préparé quelque chose, moi, là. Je suis vraiment mêlé aujourd'hui, je m'excuse. J'avais préparé quelque chose, puis là, je me rappelle plus c'était quoi. Oh non! Carrie Mulette. Voyons, je l'avais tantôt. Come on. Bref. Bon, on va se quitter de même, puis ça va être ça. C'est la vie. Bye, à demain. Bon café! Pire fin d'émission ever. C'est fou!